Le Prince de Nicolas Machiavel. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Chapitre 15. Des choses pour lesquelles tous les hommes, et surtout les princes, sont loués ou blâmés. Il reste à examiner comment un prince doit en user et se conduire, soit envers ses sujets, soit envers ses amis. Tant d'écrivains en ont parlé que peut-être on me taxera de présomption si j'en parle encore. D'autant plus qu'en traitant cette matière, je vais m'écarter de la route commune. Mais dans le dessein que j'ai d'écrire des choses utiles pour celui qui me lira, il m'a paru qu'il valait mieux m'arrêter à la réalité des choses que de me livrer à de vaines spéculations. Bien des gens ont imaginé des républiques et des principautés telles qu'on n'en a jamais vu ni connu. Mais à quoi servent ces imaginations? Il y a si loin de la manière dont on vit à celle dont on devrait vivre, qu'en étudiant que cette dernière, on apprend plutôt à se ruiner qu'à se conserver. Et celui qui veut, en tout et partout, se montrer homme de bien, ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. Il faut donc qu'un prince, qui veut se maintenir, apprenne à ne pas être toujours bon. Et en user, bien ou mal, selon la nécessité. Laissant par conséquent tout ce qu'on a pu imaginer touchant les devoirs des princes et me tenant à la réalité, je dis qu'on attribue à tous les hommes, quand on en parle et surtout aux princes, qui sont plus en vue, quelques-unes des qualités suivantes qu'on cite comme un trait caractéristique et pour laquelle on les loue ou on les blâme. Ainsi, l'un est réputé généreux, et un autre misérable. Je me sers ici d'une expression toscane, car, dans notre langue, l'avare est celui qui est avide et enclin à la rapine, et nous appelons misérable, misero, celui qui s'abstient trop d'user de son bien. L'un est bienfaisant et un autre avide, l'un cruel et un autre compatissant, l'un sans foi et un autre fidèle à sa parole, l'un efféminé et craintif, et un autre ferme et courageux, l'un débonnaire et un autre orgueilleux, l'un dissolu, un autre chaste, l'un franc et un autre rusé, l'un dur et un autre facile, l'un grave et un autre léger, l'un religieux et un autre incrédule, etc. Il serait très beau, sans doute, et chacun en conviendra, que toutes les bonnes qualités que je viens d'énoncer se trouvassent réunies dans un prince. Comme cela n'est guère possible et que la condition humaine ne le comporte point, il faut qu'il ait au moins la prudence de fuir ces vices honteux qui lui feraient perdre ses états. Quant aux autres vices, je lui conseille de s'en préserver s'il le peut. Mais s'il ne le peut pas, il n'y aura pas un grand inconvénient à ce qu'il s'y laisse aller avec moins de retenue. Il ne doit pas même craindre d'encourir l'imputation de certains défauts sans lesquels il lui serait difficile de se maintenir. Car, à bien examiner la chose, on trouve que, comme il y a certaines qualités qui semblent être des vertus et qui feraient la ruine du prince, de même, il en est d'autres qui paraissent être des vices et dont peuvent résulter néanmoins sa conservation et son bien-être. Chapitre 16. De la libéralité et de l'avarice. Commençant par les deux premières qualités énoncées ci-dessus, je dis qu'il serait bon pour un prince d'être réputé libéral. Cependant, la libéralité peut être exercée de telle manière qu'elle ne fasse que lui nuire sans aucun profit. Car, si elle l'est avec distinction et selon les règles de la sagesse, elle sera peu connue. Elle fera peu de bruit. Et elle ne le garantira même point de l'imputation de la qualité contraire. Si un prince veut se faire dans le monde la réputation de libéral, il faut nécessairement qu'il n'épargne aucune sorte de somptuosité. Ce qui l'obligera à épuiser son trésor par ce genre de dépenses. D'où il s'ensuivra que pour conserver la réputation qu'il s'est acquise, il se verra enfin contraint à grever son peuple de charges extraordinaires, à devenir fiscal et à faire en un mot tout ce qu'on peut faire pour avoir de l'argent. Ainsi commencera-t-il bientôt à être odieux à ses sujets, et à mesure qu'il s'appauvrira, il sera bien moins considéré. Ainsi, ayant, par sa libéralité, gratifié bien peu d'individus et déplu à un très grand nombre, le moindre embarras sera considérable pour lui, et le plus léger revers le mettra en danger. Que si, connaissant son erreur, il veut s'en retirer, il verra aussitôt rejaillir sur lui la honte attachée au nom d'avare. Le prince, ne pouvant donc, sans fâcheuses conséquences, exercer la libéralité de telle manière qu'elle soit bien connue, doit, s'il a quelque prudence, ne pas trop appréhender le renom d'avare. D'autant plus qu'avec le temps, il acquerra de jour en jour celui de libéral. En voyant en effet qu'au moyen de son économie ses revenus lui suffisent et qu'elle le met en état soit de se défendre contre ses ennemis, soit d'exécuter des entreprises utiles sans surcharger son peuple, il sera réputé libéral par tous ceux en nombre infini auquel il ne prendra rien. Et le reproche d'avarice ne lui sera fait que par ce peu de personnes qui ne participent point à ses dons. De notre temps, nous n'avons vu exécuter de grandes choses que par les princes qui passaient pour avares. Tous les autres sont demeurés dans l'obscurité. Le pape Jules II s'était bien fait pour parvenir au pontificat la réputation de libéralité, mais il ne pensa nullement ensuite à la consolider, ne songeant qu'à pouvoir faire la guerre au roi de France, guerre qu'il fit ainsi que plusieurs autres, sans mettre aucune imposition extraordinaire, car sa constante économie fournissait à toutes les dépenses. Si le roi d'Espagne actuel avait passé pour un libéral, il n'aurait ni formé ni exécuté autant d'entreprises. Un prince qui veut n'avoir pas à dépouiller ses sujets pour pouvoir se défendre et ne pas se rendre pauvre et méprisé, de peur de devenir rapace, doit craindre peu qu'on le taxe d'avarice, puisque c'est là une de ses mauvaises qualités qui le font régner. Si l'on dit que Jules César s'éleva à l'Empire par sa libéralité, et que la réputation de libéral a fait parvenir bien des gens aux rangs les plus élevés, je réponds, ou vous êtes déjà effectivement prince, ou vous êtes en voie de le devenir. Dans le premier cas, la libéralité vous est dommageable. Dans le second, il faut nécessairement que vous en ayez la réputation. Or, c'est dans ce second cas que se trouvait César, qui aspirait au pouvoir souverain dans Rome. Mais si, après y être parvenu, il eût encore vécu longtemps et n'eût point modéré ses dépenses, il aurait renversé lui-même son empire. Si l'on insiste, et que l'on dise encore que plusieurs princes ont régné et exécuté de grandes choses avec leurs armées, et quoiqu'ils eussent cependant la réputation d'être très libéraux, je répliquerai « Le prince dépense ou de son propre bien et de celui de ses sujets ?» ou du bien d'autrui. Dans le premier cas, il doit être économe. Dans le second, il ne saurait être trop libéral. Pour le prince, en effet, qui va conquérant avec ses armées, vivant de dépouilles, de pillages, de contributions et usant du bien d'autrui, la libéralité lui est nécessaire, car sans elle il ne sera point suivi par ses soldats. Rien ne l'empêche aussi d'être distributeur généreux, ainsi que le furent Cyrus, César et Alexandre. De ce qui n'appartient ni à lui-même, ni à ses sujets. En prodiguant le bien d'autrui, il n'a point à craindre de diminuer son crédit. Il ne peut au contraire que l'accroître. C'est la prodigalité de son propre bien qui pourrait seule lui nuire. Enfin, la libéralité, plus que toute autre chose, se dévore elle-même. Car, à mesure qu'on l'exerce, on perd la faculté de l'exercer encore. On devient pauvre, méprisé, ou bien rapace et odieux. Le mépris et la haine sont sans doute les écueils dont il importe le plus au prince de se préserver. Or, la libéralité conduit infailliblement à l'un et à l'autre. Il est donc plus sage de se résoudre à être appelé avare, qualité qui n'attire que du mépris, sans haine, que de se mettre, pour éviter ce nom, dans la nécessité d'encourir la qualification de rapace qui engendre le mépris et la haine tout ensemble. Chapitre 17. De la cruauté et de la clémence, et s'il vaut mieux être aimé que craint. Continuant à suivre les autres qualités précédemment énoncées, je dis que tout prince doit désirer d'être réputé clément et non cruel. Il faut pourtant bien prendre garde de ne point user mal à propos de la clémence. César Borgia passait pour cruel, mais sa cruauté rétablit l'ordre et l'union dans la Romagne. Elle y ramena la tranquillité de l'obéissance. On peut dire aussi, en considérant bien les choses, qu'il fut plus clément que le peuple florentin qui, pour éviter le reproche de cruauté, laissa détruire la ville de Pistoie. Un prince ne doit donc point s'effrayer de ce reproche quand il s'agit de contenir ses sujets dans l'union et la fidélité. En faisant un petit nombre d'exemples de rigueur, vous serez plus clément que ceux qui, par trop de pitié, laissent s'élever des désordres d'où s'ensuivent les meurtres et les rapines, car ces désordres blessent la société tout entière. Au lieu que les rigueurs ordonnées par le prince ne tombent que sur des particuliers. Mais c'est surtout à un prince nouveau qu'il est impossible de faire le reproche de cruauté, parce que, dans les États nouveaux, les dangers sont très multipliés. C'est pour cette raison aussi que Virgile met dans la bouche de Didon, lorsqu'il lui fait dire pour excuser la rigueur de son gouvernement, res dura et regni novitas me talia cogunt, moliri et late fines custod tueri. Il doit toutefois ne croire et n'agir qu'avec une grande maturité, ne point s'effrayer lui-même, et suivre en tout les conseils de la prudence, tempérés par ceux de l'humanité. En sorte qu'il ne soit point imprévoyant par trop de confiance, et qu'une défiance excessive ne le rende point intolérable. Sur cela s'est élevée la question de savoir s'il vaut mieux être aimé que craint, ou être craint qu'aimé. On peut répondre que le meilleur serait d'être l'un et l'autre, mais Comme il est très difficile que les deux choses existent ensemble, je dis que si l'une doit manquer, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. On peut, en effet, dire généralement des hommes qu'ils sont ingrats, inconstants, dissimulés, tremblants devant les dangers et avides de gains, que tant que vous leur faites du bien, ils sont à vous, qu'ils vous offrent leur sang, leur bien, leur vie, leurs enfants, tant, comme je l'ai déjà dit, que le péril ne s'offre que dans l'éloignement, mais que, lorsqu'ils s'approchent, ils se détournent bien vite. Le prince qui se serait entièrement reposé sur leurs paroles, et qui, dans cette confiance, n'aurait point pris d'autres mesures, serait bientôt perdu. Car toutes ces amitiés, achetées par des largesses et non accordées par générosité et grandeur d'âme, sont quelquefois, il est vrai, bien méritées, mais on ne les possède pas effectivement, et, au moment de les employer, elles manquent toujours. Ajoutons qu'on appréhende beaucoup moins d'offenser celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre, car l'amour tient par un lien de reconnaissance bien faible pour la perversité humaine, et qui cède au moindre motif d'intérêt personnel, au lieu que la crainte résulte de la menace du châtiment, et cette peur ne s'évanouit jamais. Cependant, le prince qui veut se faire craindre doit s'y prendre de telle manière que, s'il ne gagne point l'affection, il ne s'attire pas non plus la haine, ce qui, du reste, n'est point impossible, car on peut fort bien tout à la fois être craint et n'être pas haï. Et c'est à quoi aussi il parviendra sûrement, en s'abstenant d'attenter, soit au bien de ses sujets, soit à l'honneur de leur femme. S'il faut qu'il en fasse périr quelqu'un, il ne doit s'y décider que quand il y en aura une raison manifeste, et que cet acte de rigueur paraîtra bien justifié. Mais il doit surtout se garder, avec d'autant plus de soin, d'attenter au bien, que les hommes oublient plutôt la mort d'un père même que la perte de leur patrimoine, et que d'ailleurs il en aura des occasions plus fréquentes. Le prince, qui s'est une fois livré à la rapine, trouve toujours, pour s'emparer du bien de ses sujets, des raisons et des moyens qu'il n'a que plus rarement pour répandre leur sang. C'est lorsque le prince est à la tête de ses troupes et qu'il commande à une multitude de soldats qu'il doit moins que jamais appréhender d'être réputé cruel, car, sans ce renom, on ne tient point une armée dans l'ordre et disposée à toute entreprise. Entre les actions admirables d'Hannibal, on a remarqué particulièrement que, quoique son armée fût très nombreuse et composée d'un mélange de plusieurs espèces d'hommes très différents, faisant la guerre sur le territoire d'autrui, il ne s'y éleva ni dans la bonne ni dans la mauvaise fortune aucune dissension entre les troupes, aucun mouvement de révolte contre le général. D'où cela vient-il? Si ce n'est de cette cruauté excessive qui, jointe aux autres grandes qualités d'Hannibal, le rendit tout à la fois la vénération et la terreur de ses soldats, et sans laquelle toutes ses autres qualités auraient été insuffisantes. Ils avaient donc bien peu réfléchi, ces écrivains qui, en célébrant d'un côté les actions de cet homme illustre, ont blâmé de l'autre ce qui en avait été la principale cause. Pour se convaincre que les autres qualités d'Hannibal ne lui auraient pas suffi, il n'y a qu'à considérer ce qui arriva à Scipion, homme tel qu'on n'en trouve presque point de semblable, soit dans nos temps modernes, soit même dans l'histoire de tous les temps connus. Les troupes qu'il commandait en Espagne se soulevèrent contre lui, et cette révolte ne put être attribuée qu'à sa clémence excessive, qui avait laissé prendre aux soldats beaucoup plus de licence que n'en comportait la discipline militaire. C'est ainsi ce que Fabius Maximus lui reprocha en plein Sénat, où il lui donna la qualification de corrupteur de la milice romaine. De plus, les Locriens, tourmentés et ruinés par un de ses lieutenants, ne purent obtenir de lui aucune vengeance, et l'insolence du lieutenant ne fut point réprimée. Autre effet de son naturel facile. Sur quoi quelqu'un voulant l'accuser dans le Sénat dit qu'il y avait des hommes qui savaient mieux ne point commettre de fautes que corriger celles des autres. On peut croire aussi que cette extrême douceur aurait enfin terni la gloire et la renommée de Scipion, s'il avait exercé durant quelque temps le pouvoir suprême. Mais heureusement, il était lui-même soumis aux ordres du Sénat, de sorte que cette qualité, nuisible de sa nature, demeura en quelque sorte cachée, et fut même encore, pour lui, un sujet d'éloge. Revenant donc à la question dont il s'agit, je conclus que les hommes, aimant à leur gré et craignant au gré du prince, celui-ci doit plutôt compter sur ce qui dépend de lui que sur ce qui dépend des autres. Il faut seulement que, comme je l'ai dit, il tâche avec soin de ne pas s'attirer la haine. Chapitre 18. Comment les princes doivent tenir leur parole. Chacun comprend combien il est louable pour un prince d'être fidèle à sa parole et d'agir toujours franchement et sans artifice. De notre temps, néanmoins, nous avons vu de grandes choses exécutées par des princes qui faisaient peu de cas de cette fidélité et qui savaient en imposer aux hommes par la ruse. Nous avons vu ces princes l'emporter enfin sur ceux qui prenaient la loyauté pour base de toute leur conduite. On peut combattre de deux manières, ou avec les lois, ou avec la force. La première est propre à l'homme, la seconde est celle des bêtes. Mais comme souvent celle-là ne suffit point, on est obligé de recourir à l'autre. Il faut donc qu'un prince sache agir à propos, et en bête, et en homme. C'est ce que les anciens écrivains ont enseigné allégoriquement, en racontant qu'Achille et plusieurs autres héros de l'Antiquité avaient été confiés au centaure Chiron pour qu'il les nourrît et les élevât. Par là, en effet, et par cet instituteur moitié homme et moitié bête, ils ont voulu signifier qu'un prince doit avoir en quelque sorte ses deux natures, et que l'une a besoin d'être soutenue par l'autre. Le prince devant donc agir en bête, tâchera d'être tout à la fois renard et lion. Car s'il n'est que lion, il n'apercevra point les pièges. S'il n'est que renard, il ne se défendra point contre les loups. Et il a également besoin d'être renard pour connaître les pièges et lion pour épouvanter les loups. Ceux qui s'en tiennent tout simplement à être lion sont très malhabiles. Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Tel est le précepte à donner. Il ne serait pas bon, sans doute, si les hommes étaient tous gens de bien. Mais comme ils sont méchants et qu'assurément ils ne vous tiendraient point leur parole, pourquoi devriez-vous leur tenir la vôtre? Et d'ailleurs, un prince peut-il manquer de raisons légitimes pour colorer l'inexécution de ce qu'il a promis? À ce propos, on peut citer une infinité d'exemples modernes et alléguer un très grand nombre de traités de paix, d'accords de toute espèce, devenus vains et inutiles par l'infidélité des princes qui les avait conclus. On peut faire voir que ceux qui ont su le mieux agir en renard sont ceux qui ont le plus prospéré. Mais pour cela, ce qui est absolument nécessaire, c'est de savoir bien déguiser cette nature de renard et de posséder parfaitement l'art et de simuler et de dissimuler. Les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment, qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Parmi les exemples récents, il en est un que je ne veux point passer sous silence. Alexandre VI ne fit jamais que tromper. Il ne pensait pas à autre chose et il en eut toujours l'occasion et le moyen. Il n'y eut jamais d'homme qui affirmât une chose avec plus d'assurance, qui appuyât sa parole sur plus de serments, et qu'il éteint avec moins de scrupules. Cette tromperie, cependant, lui réussirent toujours, parce qu'il en connaissait parfaitement l'art. Ainsi donc, pour en revenir aux bonnes qualités énoncées ci-dessus, il n'est pas bien nécessaire qu'un prince les possède toutes, mais il l'est qu'il paraisse les avoir. J'ose même dire que s'il les avait effectivement, et s'il les montrait toujours dans sa conduite, elle pourrait lui nuire, au lieu qu'il lui est toujours utile d'en avoir l'apparence. Il lui est toujours bon, par exemple, de paraître clément, fidèle, humain, religieux, sincère. Il l'est même d'être tout cela en réalité, mais il faut en même temps qu'il soit assez maître de lui pour pouvoir et savoir au besoin montrer les qualités opposées. On doit bien comprendre qu'il n'est pas possible à un prince, et surtout à un prince nouveau, d'observer dans sa conduite tout ce qui fait que les hommes sont réputés gens de bien, et qu'il est souvent obligé, pour maintenir l'État, d'agir contre l'humanité, contre la charité, contre la religion même. Il faut donc qu'il ait l'esprit assez flexible pour se tourner à toute chose, selon que le vent et les accidents de la fortune le commandent. Il faut, comme je l'ai dit, que tant qu'il le peut, il ne s'écarte pas de la voie du bien, mais qu'au besoin, il sache entrer dans celle du mal. Il doit aussi prendre grand soin de ne pas laisser échapper une seule parole qui ne respire les cinq qualités que je viens de nommer, en sorte qu'à le voir et à l'entendre, on le croit tout plein de douceur, de sincérité, d'humanité, d'honneur et principalement de religion, qui est encore ce dont il importe le plus d'avoir l'apparence. Car les hommes, en général, jugent plus par leurs yeux que par leurs mains, tous étant à portée de voir et peu de toucher. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, et ce petit nombre n'osera point s'élever contre l'opinion de la majorité, soutenue encore par la majorité du pouvoir souverain. Au surplus, dans les actions des hommes, et surtout des princes, qui ne peuvent être scrutés devant un tribunal, ce que l'on considère, c'est le résultat. Que le prince songe donc uniquement à conserver sa vie et son état. S'il y réussit, tous les moyens qu'il aura pris seront jugés honorables et loués par tout le monde. Le vulgaire est toujours séduit par l'apparence et par l'événement. Et le vulgaire ne fait-il pas le monde? Le petit nombre n'est écouté que lorsque le plus grand ne sait quel parti prendre ni sur quoi asseoir son jugement. De notre temps, nous avons vu un prince qu'il ne convient pas de nommer, qui jamais ne prêcha que paix et bonne foi, mais qui, s'il avait toujours respecté l'une et l'autre, n'aurait pas sans doute conservé ses états et sa réputation.